ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عليكم السلام. Donc après une coupure de, je pense, deux semaines maintenant, on reprend inchallah les cours, et en premier le cours de Cheikh Bazmoul hafidhahullah ta'ala, Mohamed ben Omar Bazmoul, et c'est l'explication du livre de Sifat Salat al-Nabi alayhi salatu wassalam, de Min al-Takbir ila al-Taslim kanna kataraha, de Cheikh Mohamed Nasser al-Din al-Albani rahimahullah ta'ala. On était arrivé au chapitre Ma yaqta'u salah. Et avant de commencer dans le chapitre directement, je voudrais vous passer le salam de Cheikh Falah Ismail hafidhahullah ta'ala wa shafahullah. Comme vous le savez, il a subi une opération à la jambe en Allemagne. Alhamdulillah, il va bien, l'opération est réussie. Juste au niveau de sa jambe, etc., il a des broches qui lui passent à travers la jambe. Il en a même plusieurs. Et l'opération était assez lourde et assez sérieuse. Le médecin est content en tout cas de l'opération. Et je pense qu'il va avoir une longue rééducation. Ça fait plus d'un mois qu'il est dans cet état-là, comme ça. Et je pense que ça va encore durer, parce que je pense qu'il va peut-être partir les broches avant le 29, quoi, pas avant le 29, Allah alam. Donc il vous passe le salam. Et je lui ai fait part du fait qu'on allait terminer des cours qu'on faisait, ça, et qu'on allait terminer au Sultan Al-Ata peut-être demain, inshallah. Et il a conseillé de faire au Sultan Al-Sita. Il a dit que c'était un livre à lequel lui donnait beaucoup d'importance. D'ailleurs, son charh à lui, son explication est en train d'être édité. Et il a dit que c'était, d'ailleurs, quand il était venu chez nous en Belgique à l'époque, il avait fait ce livre. À la kulli hal, on verra, inchallah, je compte en faire ça à l'istikhara, mais je pense que on va aller là-dessus, on va écouter la nasiha du shir. Et inchallah, on commence le cours directement. Donc, ma yaqta'u salah, donc c'est la parole de Cheikh Al-Albani, qu'Allah lui fasse miséricorde évidemment, et c'est ce qui coupe la prière. Donc, qu'est-ce que nous dit Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala? Il dit wa kan yaqulu yaqta'u salat ar-rajuli إذا لم يكن بين يديه كآخرة الرحل المرأة الحائض والحمار والكلب الأسود. قال أبو ذر قلت يا رسول الله ما بال الأسود من الأحمر؟ فقال الكلب الأسود شيطان. Donc Cheikh Al-Albani, qu'à la lui miséricorde, nous dit ce qui coupe la prière, c'est donc le titre du chapitre. Il, c'est-à-dire le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, disait: la prière d'une personne est annulée, coupée, ma yaqta'u salah, qui est coupée, annulée, si elle ne pose rien devant elle de la hauteur de l'arrière d'une selle, comme on l'avait déjà vu dans les cours précédents, par le passage d'une femme qui a ses menstrues, comme vous pouvez le voir ici entre parenthèses, ha'id, al-ha'id, d'un âne et d'un chien noir. On va voir, inchallah, un peu plus en détail ça avec l'explication de Cheikh Bazmoul, hafidhahullah. Abu Dhar dit: j'ai dit, ô messager d'Allah, pourquoi le chien noir plutôt que le rouge? C'est-à-dire, ce qu'il faut comprendre ici, c'est le chien brun, d'accord? Il dit, le chien noir est un shaitan, est un diable. Alors on a là-dessus le commentaire de Cheikh Mohammed ben Omar Bazmoul, hafidhahullah ta'ala, et qu'Allah le récompense, qu'Allah le préserve. Il dit, al mar'atul ha'id, ya'ni al-baligha. Donc qu'est-ce qu'il faut comprendre ici par la femme qui est menstruée, comme on va le voir, c'est la femme qui est pubère. فخرج بهذا مرور البنت التي لم تبلغ بين يدي المصلي إلى غير سترة لا تقطع صلاته. والحمار أطلقه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيدخل فيه أي حمار كبيرا كان أو صغيرا. والكلب الأسود شيطان، ظاهره أنه شيطان بعينه، ويحتمل أن معه شيطان، وهذا الثاني هو المراد. فقد أخرج ابن حبان في صحيحه عن عبد الله بن المغفل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا في مرابد الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل، فإنها خلقت من الشياطين. قال أبو حاتم، أي ابن حبان رحمه الله تعالى، عقب إراده للحديث قوله صلى الله عليه وسلم: إنها خلقت من الشياطين، أراد به أن معها الشياطين، وهكذا قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فليدرأه ما استطاع، فإن أبى فليقاتله، فإنه شيطان. ثم قال في خبر صدقة بن يسار عن ابن عمر: فليقاتله فإن معه القرين. انتهى كلامه رحمه الله. Donc, qu'est-ce qu'on voit déjà dans cette première partie, en tout cas ici, c'est que la femme qui a ses menstrues, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a dit, la femme qui, la femme al-baligha, la femme pubère. Cheikh dit donc, sort de ce jugement donc le passage de la fille qui n'est pas pubère. Si elle passe devant le prieur alors que celui-ci n'a pas de sutra, elle ne coupe donc pas sa prière. D'accord ? Cheikh dit, concernant l'âne, al-himar, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a cité de manière absolue, comme il a dit ici, atlaq al-qawl, atlaq al-qawl, manière absolue, c'est-à-dire sans le conditionner. Entre donc dans son terme l'âne, qu'il soit grand ou petit. Pourquoi ? Parce qu'il a atlaq al-qawl, il a dit al-himar. D'accord ? Et le chien noir est un shaitan, un diable. Cheikh dit, ce qui est apparent, c'est qu'il est un diable lui-même. Et il est possible de comprendre qu'il a un diable avec lui. Et Cheikh dit, et c'est cette deuxième compréhension qui est voulue ici. Ibn Hibban, qui fait partie des grands imams du hadith et parmi les salafs, rahimahullah, Ibn Hibban a rapporté dans son sahih, et voir Al-Ihsan, hadith numéro 1802, de Abdullah ibn Mughaffal qui dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: priez dans les enclos à ovins et ne priez pas dans les enclos à chameaux. C'est un hadith qu'on avait déjà vu, on en avait déjà parlé, cette mas'ala-là, à la kulli hal, car ils ont été créés de démons. Inna khuliqat min ash-shayatin. Et Abu Hatim, qui Ibn Hibban, rahimahullah, c'est sa kunya Abu Hatim Ibn Hibban, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit, après avoir apporté ce hadith justement, la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam: car ils ont été créés de démons, ce qu'il a voulu par cela, c'est qu'ils ont des démons avec eux. Et de même, lorsqu'il a dit qu'il le repousse autant qu'il peut, et s'il refuse, qu'il le combatte, car c'est un diable. On a déjà vu ce hadith. Dans quel cadre on a déjà vu ce hadith? Quand on a parlé de la sutra, quand on a parlé du fait de ne pas laisser passer quoi, passer quelqu'un entre nous et la sutra. Puis il a dit, concernant l'information de la sadaqa d'Ibn Yassar, d'Ibn Omar, qu'il le combatte car il y a avec lui le qarin, le diable, le démon. Et donc fin des citations d'Ibn Hibban. Cheikh Bazmoul continue, il dit: ثم قال ذكر البيان بأن قوله عليه الصلاة والسلام فإنها خلقت من الشياطين لفظة أطلقها على المجاورة لا على الحقيقة. وساق بسنده عن حمزة بن عمرو الأسلمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على ظهر كل بعير شيطان، فإذا ركبتموها فسموا الله ولا تقصروا عن حاجاتكم. ثم قال: ذكر خبرا أو ذقب خبر ثان يصرح بأن الزجر عن الصلاة في أعطان الإبل لم يكن ذلك لأجل كون الشيطان فيها. وساق بسنده عن سعيد بن يسار أنه قال: كنت أسير مع عبد الله بن عمر بطريق مكة، فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت، فقال: أليس لك في رسول الله أسوة عليه الصلاة والسلام؟ فقلت: بلى والله. قال: فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يوتر على البعير. قال أبو حاتم رضي الله عنه: لو كان الزجر عن الصلاة في أعطان الإبل لأجل أنها خلقت من الشياطين لم يصلي عليه الصلاة والسلام على البعير، إذ محال ألا تجوز الصلاة في المواضع التي قد يكون فيها الشيطان ثم تجوز الصلاة على الشيطان نفسه. بل معنى قوله عليه الصلاة والسلام إنها خلقت من الشياطين أراد به أن معها الشياطين على سبيل المجاورة والقرب. On termine encore en arabe et après on fera tout le tour en français inshallah. انتهى كلامه وخرج بقيد الكلب الأسود غيره من الكلاب كالكلب الأحمر والأبيض فلا تقطع الصلاة بمرورهما بين يدي المصلي إذا لم يكن بين يديه سترة. ومفهوم المخالفة لهذه المذكورات أن مرور غيرهن لا يقطع الصلاة لمن لم يتخذ بين يديه سترة. يرحمك الله. Donc qu'est-ce que Cheikh nous dit par rapport donc à la suite de l'explication de ce point-là? Il dit ensuite, citation de la mise en évidence que la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, car ils ont été créés de démons, est une parole qui a été, comme on a dit, mutlaqa, généralisée, d'accord, rendue absolue, avec le sens de mujawara, c'est-à-dire de proximité, et que ce n'est pas avec le sens de démon réellement, c'est-à-dire qu'il y a un démon avec, et que ce n'est pas un démon en lui-même. Il a ensuite rapporté avec une chaîne de transmission que Hamza ibn Amr al-Aslami a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a sur le dos de tout chameau un diable. Si vous prenez place sur un chameau, dites Bismillah al-Hadith, on y termine le Hadith. Ibn Hibban, rahimahullah, a ensuite dit, une deuxième information, ce qu'il faut comprendre ici, un dalil, a été rapporté, qui clarifie le fait que la réprimande sur le fait de prier dans les enclos à chameau n'a pas été faite parce que le diable s'y trouve. Il l'a rapporté avec sa chaîne de transmission de Saïd ibn Yassar, qui l'a dit, j'étais sur la route de la Mecque avec ibn Omar, c'est-à-dire avec Abdullah ibn Omar, radiallahu anhuma. D'accord ? Il dit, j'ai eu alors peur que l'heure du subh ne rentre. Je suis alors descendu, c'est ce qu'il faut comprendre de ça, de ma monture, et j'ai prié al-witr. Il dit, c'est-à-dire qui, Abdullah ibn Omar, n'as-tu pas en la personne du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, un bon exemple ? Je dis par Allah, certes oui. D'accord, qu'est-ce qu'il lui reproche ici? D'être descendu, naam, c'est ça. Il dit le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, priait le witr sur le chameau. Abu Had ibn Hibban dit, regardez, c'est pour ça qu'il a rapporté ce hadith-là, et qu'il a rapporté cette mas'ala ici, et on va le comprendre tout de suite, inshallah. Abu Had ibn Hibban, rahimahullah, dit, si la réprimande faite sur le fait de prier dans les enclos à chameau, était parce qu'ils ont été créés des démons, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, n'aurait pas prié sur le chameau. Car il est impossible qu'il soit interdit de prier dans les endroits où il peut y avoir un diable, puis ensuite qu'il soit permis de prier sur le diable lui-même. D'accord ? Vous avez compris le raisonnement ici ? Le sens donc de la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, car ils ont été créés de démons, ce qui est voulu par cela, c'est que les chameaux ont des démons avec eux, et qu'il y a entre eux une proximité. Fin de citation de Ibn Hibban, rahimahullah. Cheikh Bazmoul, hafdahullah, il continue et il dit, est sorti du hadith par la condition le chien noir, c'est-à-dire qu'il y a un qaïd, on avait déjà parlé du qaïd ici, notamment quand on avait parlé du qaïd l'ihtirazi, il y a une condition qui a été posée, c'est quoi? Al-kalb al-aswad. C'est-à-dire qu'il a dit le chien noir. Donc il a déjà une condition, c'est qu'il soit noir. Donc qu'est-ce qu'il dit ici? Cheikh Bazmoul, hafdahullah, il dit, est sorti du hadith par la condition le chien noir, tout autre chien que le chien noir. D'accord ? Comme le chien blanc ou le chien brun. Ce genre de chien, ce qu'il faut comprendre ici, c'est autre que noir, ne coupe donc pas la prière s'il passe devant le prieur qui prie sans sutra. Cheikh dit ici, ce que l'on comprend par ce qu'on appelle mefhum al-mukhalafa. Mufhum al-mukhalafa, c'est une notion que vous devez déjà connaître parce qu'on en a parlé dans un des premiers cours qu'on a fait. Qui sait me rappeler? Celui qui me rappelle et qui me dit, c'est quoi? J'ai un livre de Cheikh Farah Ismail pour lui. Je lui donne le plus gros, parce que j'en ai plusieurs. Et je crois. Maman, Soual n'est sous le jawab. Je répète la question. On avait parlé de mufhum al-mukhalafa. dans un tout premier cours. Et je vous aide un peu ce qu'on avait fait la défense de Cheikh Rabia. On avait dit c'était quoi Mafhoum al-Mukhalafa, j'avais cité un exemple du Coran. Je vous aide encore. Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qawman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin surat al-hujurat. Qu'est-ce qu'on avait dit par rapport à Shinqiti rahimahullah dans son tafsir? Là, c'est l'interdiction de prendre le khabar du pervers sans vérifier. Mafhoum al-Mukhalafa al-thiqa, tu prends son khabar. C'est-à-dire que celui qui est digne de confiance, selon les règles de l'ulama, bien sûr, eh bien tu prends, c'est ce qu'on appelle, pour rappeler la compréhension par, si vous voulez, à l'envers, par l'inverse, par l'opposé. D'accord? Et c'est ce qui Cheikh veut dire ici. Il dit ce que l'on comprend par ce qu'on appelle mafhoum al-mukhalafa, concernant les choses citées dans le hadith qui coupe la prière, c'est que le passage de toute autre chose. Pourquoi? Parce qu'il a cité trois choses. C'est quoi? Al-Mar'a, il a dit, et puis entre parenthèses, on a dit c'est quoi Al-Ha'id, et Al-Himar et Al-Kabl Aswad. Donc, mafhoum al-mukhalafa, toute autre chose que les choses citées dans le hadith ne coupe pas la prière de celui qui prie sans sutra. Ça va, c'est clair pour ce point-là? C'est important de retenir ça sur mafhoum al-mukhalafa, Inch'Allah. La prochaine fois, si on en parle, vous retenez, Inch'Allah, et vous savez en parler aussi. Cheikh Bezmoul, il a ensuite rapporté dans les pages suivantes, je vous ai fait un résumé pour les frères qui veulent plus de détails, Inch'Allah, qui reviennent au livre, je vous donnerai la référence après, Inch'Allah. Cheikh Bezmoul a ensuite rapporté une discussion entre les savants sur la compréhension de Yaqta au Salah. Parce que qu'est-ce qu'on peut comprendre ici? Annuler, c'est-à-dire complètement, ou... Vas-y. Barakallahu fiqh, c'est que ça diminue l'ajr, ça diminue la prière, ça diminue l'ajr, Et c'est diminuer la prière, d'accord? C'est-à-dire que c'est pas annulé de manière complète, complètement, mais c'est que ça diminue la prière. Donc il rapporte une discussion sur la compréhension de l'annulation de la prière ou de la coupure, si vous voulez, de la prière, pour venir à une traduction plus littérale. Et il dit que l'avis de Malik et Abu Hanifa et Shafi'i, ainsi que l'Jumhur, comme on dit la majorité des savants, parmi les anciens et ceux qui sont venus après, est qu'il faut comprendre que la prière est diminuée et non pas annulée. Et on va voir qu'il y a un khilaf entre les ulama là-dessus. Je vous donnerai à la fin, Inch'Allah, une des références par rapport à ça, parce qu'on avait dit que notre manhaj, notre méthodologie ici, c'est de ne pas trop rentrer dans le khilaf, etc. Pourquoi? Pour ne pas se désorienter, surtout nous en tant que débutants, Inch'Allah. Juste on prend la parole de Cheikh Bezmoul, Inch'Allah, et pour les frères qui ont plus de base ou qui veulent plus de détails, Inch'Allah, on donne la référence et qu'ils aillent voir, Inch'Allah, qu'ils essayent de se faire un avis là-dessus, Inch'Allah. D'accord? Donc, ce qu'on a dit ici, c'est quoi? C'est qu'il faut comprendre que la prière est diminuée et non pas annulée si une des choses citées dans le hadith, la femme, l'âne et le chien noir, passe devant le prieur qui prie son sutra. Et que l'imam al-Bukhari a donné comme titre, rahimahullah, à l'un de ses chapitres dans le Sahih, quelque chose qui nous fait sentir, il a donné un de ses chapitres, un titre qui nous fait sentir qu'il avait l'avis de la majorité des savants. Et c'est que la prière est diminuée, non pas annulée. Car le cœur peut être distrait si l'une des choses passe devant celui qui prie sans sutra. Et c'est ça qu'il faut comprendre ici. En tout cas, selon l'avis de Cheikh Bezmoul Hafidahullah. Ce qui renforce l'avis de Jumhur, la majorité des savants, c'est l'avis de l'imam Bukhari. C'est qu'il a été rapporté, ce qui indique que la prière n'est pas annulée par le passage des choses citées dans le hadith concernant la femme. Il y a le hadith de Aïcha. Lorsqu'on a cité devant elle ce qui coupe la prière, le chien, l'âne et la femme, elle dit, radiallahu anhu wa ardaha, vous avez fait ressembler la femme aux ânes et aux chiens. Par Allah, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam prier alors que j'étais couché sur le, c'est un hadith qui est connu, sur le lit. Entre lui et la Qibla. Lorsqu'un besoin me vint et je ne voulus pas m'asseoir de peur de déranger le prophète, alayhi salatu wassalam. Je descendis donc doucement, par étapes, comme Cheikh al-Ethiopie a dit dans son explication de Sahih Muslim, bitadarruj, pour ne pas déranger le prophète, alayhi salatu wassalam, entre ses pieds, ben arijlihi, c'est les pieds de qui? Du prophète, alayhi salatu wassalam, ou les pieds du lit? Cheikh l'Éthiopie, dans sa Sahih Muslim, dit entre les pieds du lit. Il dit que c'est-à-dire que le damir, hein, où le damir, c'est quoi le pronom personnel, c'est ben, hein, bena, rijleihi, le pronom personnel, ya'udu ila, ila serir, comme le dit Cheikh l'Éthiopie. D'accord ? Et c'est un hadith qui est rapporté, je vous donne la référence pour les frères qui veulent voir, Inch'Allah, rapporté par Al-Bukhari, numéro 514, et Muslim, 512. D'accord ? À la kulli hal, ici, il y a une discussion à faire sur... Hein, quelqu'un pourrait dire, par exemple, mais ça ne nous concerne pas parce que nous, on parle du passage. Or, Aïcha, radiallahu anha, elle était couchée, mutaji'a. Or, les tija'a, le morour, c'est pas la même chose, c'est ce que disent certains savants. À la kulli hal, je vous donne la référence pour les frères qui veulent voir plus de détails. Lire le livre, hein, ce livre-là qu'on est en train de faire de Cheikh Bezmoul, de la page 158 à la page 160. Hein? Et Cheikh, donc l'avis de quoi de Cheikh Bezmoul, c'est que, pour résumer, c'est quoi? C'est que, c'est que ça diminue et que ça n'annule pas. D'accord? Cheikh Bezmoul, il termine ce chapitre pour les frères qui ont le livre. C'est page 161. Et il dit إشكال وجوابه فإن قيل ما فائدة تعيين هذه المذكورات parce que c'est ça qui va se poser comme question directement pour les frères, peut-être qui ont déjà eu la question à l'esprit. إذا كانت القضية أن المقصود بقطع الصلاة شغل المصلي وإنقاص خشوعه وهذا يحصل بمرور أي شيء غيرها فالجواب هذا حكم تعبدي نعمل به كما ورد بلا كيف ولما والله أعلم. Donc c'est une question qui peut arriver à notre esprit, c'est quoi? Il dit, si quelqu'un demande, quelle est l'utilité de citer de manière particulière, hein, ce qui a été cité dans le hadith, c'est-à-dire quoi, la femme, le chien noir et l'âne, si ce qui est voulu par justement le hadith, c'est pas la coupure, par la coupure de la prière, c'est pas l'annulation, mais c'est quoi? La diminution de la concentration ou la diminution de la prière. Donc quelle est l'utilité de citer justement ces choses particulières? Car cette diminution de la concentration, cette diminution de la prière peut arriver par n'importe quelle autre chose qui passe devant. Je répète la question. Donc la question c'était, quelle est l'utilité de citer de manière particulière ce qui a été cité dans le hadith, si ce qui est voulu par la coupure de la prière, c'est de distraire le prieur et de diminuer sa concentration. Alors que cela peut arriver avec quoi? Avec n'importe quelle chose qui passe devant le prieur. Et bien, c'est quoi la réponse? C'est qu'on est dans le cadre de l'adoration. Qu'est-ce qu'il dit, Cheikh? Amr ta'abboudi. On est dans le cadre de l'adoration. On pratique la chose telle qu'elle a été rapportée et on ne demande pas comment ni pourquoi. Wallahu a'lam. Et pour les frères qui veulent aller peut-être une autre réponse, et bien qui reviennent justement au khilaf entre les ulama et qui regardent la vie des savants qui disent que ça coupe, ça annule la prière. Hein? D'accord? Et comme j'ai dit ici, j'ai mis une petite annotation, en sachant que d'autres savants voient que le sens du hadith, c'est l'annulation de la prière. Et je vous donne une référence de Cheikh l'Éthiopie, voir d'Akhiratul Uqba, fi Sharh al-Mujtaba, qui est l'explication de Sharh Sunan Nasa'i. Hein, pour les frères qui ne l'ont pas, parce que je sais que c'est un livre qui n'est pas très disponible ici en tout cas. Il fait 42 tomes en 22 volumes. Moi je l'ai à la maison, et il y a d'autres frères qui l'ont ici. Si les frères veulent jeter un coup d'œil, moi je veux bien, alhamdoulilah, pas le prêter, mais... Hein, quand j'étais un coup d'œil ensemble, d'accord, ou bien faire des photocopies, il n'y a pas de problème, Inch'Allah. Donc, vous inquiétez pas si vous n'avez pas le livre. Je vous donne la référence en tout cas, et c'est page 187 jusqu'à 214, et surtout la page 198, page 198, et si je me souviens bien, c'est le volume 9. On continue directement à un nouveau chapitre, Inch'Allah, et c'est le chapitre suivant. Cheikh l'Albani, qu'Allah le miséricorde, dit, Rahimallah, As-salatu tijah al-qabr. C'est une mis'al important parce que hein, on va voir que ça touche au tawhid. Et le titre est donc, c'est la prière en direction d'une tombe. Et il dit, Cheikh l'Albani rahimahullah, wa kana yanha 'ani salati tujah al-qabr, fa yaqulu la tusallu ila al-qubur wa la tajlisu 'alayha. Donc la traduction de la parole de Cheikh l'Albani rahimahullah, le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam interdisait de prier en direction d'une tombe en disant: ne priez pas en direction des tombes et ne vous asseyez pas dessus. D'accord ? شيخ بزمولي في كومنتير دو سا ايل دي حفظه الله هذا الفصل من الفصول المهمه جدا c'est à dire que c'est partie des chapitres très très très très important et vous comprenez directement pourquoi يبين الرسول صلى الله عليه وسلم ان الصلاه على القبور لا تجوز ومعنى هذا ان من صلى على القبر صلاته باطله وهذا الحكم ينطبق ايضا على المساجد التي بنيت على القبور أو المساجد التي أدخلت بها القبور فإن الصلاة بها لا تجوز الصلاة فيها باطلة غير صحيحة سواء كان القبر في قبلة المصلين أو خلفهم أو عن يمينهم أو عن شمالهم ويستثنى من هذا صلاة الجنازة فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قام على قبر المرأة السوداء التي قبرت دون أن يعلم عليه الصلاة والسلام. Donc commentaire de Cheikh Bazmoul de ce chapitre, sur ce chapitre-là, ou concernant ce point-là, il dit qu'Allah le préserve et le récompense. Ce chapitre fait partie des chapitres très très importants. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam met en évidence qu'il est interdit de prier sur les tombes. Et le sens de cela est que celui qui prie sur une tombe, sa prière est batila, elle est nulle, elle n'est pas valide. Rejeté. Et ce jugement est également valable pour les mosquées qui ont été construites sur les tombes. Ou les mosquées dans lesquelles on a mis des tombes. On va voir la différence entre les deux. Parce qu'il peut y avoir quoi ? Une tombe et puis qu'on construise une mosquée. Hein ? Sur cette tombe. Et puis y avoir quoi ? Une mosquée dans laquelle on fait rentrer une tombe. Et on va voir comment on doit se comporter dans les deux cas différents. Cheikh Bazmoul va le dire après, Inch'Allah. Cheikh dit, la prière y est interdite. Il n'y a pas de différence entre les deux. Hein? La prière y est nulle et pas acceptée. Que la tombe soit dans la qibla des prieurs ou derrière eux. Il n'y a pas de différence. Ou à leur droite ou à leur gauche. Et Cheikh il dit, وَيُسْتَثْنَ مِنْ ذَلِكَ صَلَاتُ الْجَنَازَةِ À l'exception faite de la prière funéraire. Pourquoi صَلَاتُ الْجَنَازَةِ Car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est tenu debout sur la tombe de la femme noire, ce qu'on appelle le Mar'a al-Sawda. C'est un hadith qui est connu dans Abu al-Janaiz, qui avait été enterré sans qu'il ne le sache. D'accord ? Donc quand il l'a su, il s'est tenu sur sa tombe et il a prié, alayhi salatu wa salam. En se basant sur cela, nous disons, donc Cheikh il dit, « Wa alayhi naqul anna mahal al-nahi wal-hukm bi butlani salati fa innahu huwa fi salati dhati al-ruku'i wal-sujud » أما صلاة الجنازة على القبر فليست محل النهي والعلماء رحمهم الله قالوا إذا بني المسجد على القبر فيهدم المسجد أما إذا بني المسجد أولا ثم أدخل فيه القبر فينبغي أن ينقل القبر ويبعد عن المسجد والله سبحانه وتعالى يقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد سورة الجن Cheikh Bazmoul, hafidhahullah, en se basant sur cela, nous disons que ce qui est interdit et jugé comme prière nulle, non valide, c'est la prière où il y a inclinaison et prosternation. Là, on doit comprendre directement, c'est la janaza. Hein? Il n'y a pas d'inclinaison et il n'y a pas de sujoud, il n'y a pas de recours, il n'y a pas d'inclinaison, pas de prosternation. Tandis que la prière funéraire, salat al-janaza, ne rentre pas dans cette interdiction. Les savants, qu'Allah leur fasse miséricorde, disent. Si la mosquée est construite sur une tombe, c'est la mosquée qui doit être détruite. Tandis que si la mosquée a été construite en premier, puis qu'on y a mis une tombe, on doit retirer cette tombe et la changer de place et l'éloigner de la mosquée. La traduction du sens de la parole d'Allah dit « Les mosquées sont consacrées à Allah, n'invoquez donc personne avec Allah. » Et c'est la traduction du sens de Sourate al-Jin, verset 18. Cheikh continue en disant Hafidhahullah, il dit فلو صلى المسلم لله في مسجد فيه قبر صلاته باطله dit le hadith ولانها وسيله الى الشرك il voyait encore une fois l'irtibat entre quoi entre les différentes sciences on fait du fiqh regardez on touche maintenant l'aqida at-tawhid ولو صرف الصلاه لغير الله فصلته باطله حتى ولو في مسجد لا قبر فيه فينبغي توحيد الله في هذه المساجد والاهتمام بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فالصلاة تبطل في أي مسجد فيه قبر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا إلى القبور ولا تصلوا عليها، والله أعلم. Donc Cheikh Bezmoul il termine ce chapitre en disant si le musulman prie pour Allah, donc si tu es bien, si le musulman prie pour Allah dans une mosquée où il y a une tombe, sa prière est nulle part, il en a un. En raison du hadith qu'on a dit. Et car c'est une voie, voici la tonne la shirk. Car c'est une voie vers l'association, le shirk. Tandis que s'il voue sa prière pour autre qu'Allah, sa prière n'est pas valide, même s'il est dans une mosquée où il n'y a pas de tombe, évidemment. D'accord ? Ce qui est obligatoire, c'est l'unicité de tawhid d'Allah dans les mosquées. C'est-à-dire vouer une adoration exclusive à Allah. C'est ça qu'il faut comprendre par la parole du shirk ici. Et donner de l'importance à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. La prière n'est pas valide dans quelque mosquée que ce soit où il y a une tombe, car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est la traduction du hadith évidemment, ne priez pas en direction des tombes et ne priez pas sur les tombes. La tussallu ila al-qubur wa la tussallu alayha. Wallahu a'lam. Et Cheikh dit donc, et Allah est le plus savant. Et ça, je voudrais que vous notiez ici. Et Cheikh, il dit لخص المصنف ما تقدم في قوله في تلخيص صفات صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. Donc c'est quoi ce qu'il fait? C'est qu'il prend le résumé de ces chapitres ou dans le résumé des sifat salat de Cheikh l'Albani lui-même, rahimahullah. Hein? Donc c'est l'auteur, qui est Cheikh l'Albani, qu'Allah lui fait miséricorde, a résumé ce qui a précédé dans son résumé de la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam de la manière suivante. Il rapporte 11 points et je voudrais que vous les notiez, inshallah. Il dit awwalan wa yajibu an yusalliya ila sutratin la farqa fi dhalika bayna al-masjid wa ghayrihi wa la bayna kabirihi wa saghirihi li'umumi qawlihi sallallahu alayhi wa sallam la tusalli ila sutratin afwan la tusalli illa ila sutratin wa la tad' ahadan yamurru bayna yadayka fa in aba faltuqatilhu fa in ma'ahu Al-Qarin, yani al-Shaytan. Donc le premier point, des 11 points qu'on va citer, inshallah, il est obligatoire de prier en direction de quoi? D'une sutra. Il n'y a pas de différence à ce sujet, comme on l'avait déjà vu, entre prier à la mosquée ou en dehors de la mosquée. Ou la grande mosquée et la petite mosquée, il n'y a pas de différence. Tu prends, ce qu'il faut comprendre ici, tu prends une sutra dans toutes ces situations-là. Et ce, en raison de la généralité de la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ne prie qu'en direction d'une sutra. Et ne laisse personne passer devant toi, s'il refuse, combat-le, car il y a avec lui le qarin, le démon, c'est-à-dire comme l'a dit Cheikh lui-même, yani shaitan, le diable. D'accord ? Et si quelqu'un dit non, mais il y a une différence, qu'est-ce qu'on lui dit ? Qu'est-ce que vous dites? Quelqu'un dit non, c'est pas la même chose dans la grande mosquée, la petite mosquée, en dehors de la mosquée, ou à l'intérieur de la mosquée. Qu'est-ce qu'on lui dit? Barakallahu fik, hein? Qui donne le dalil? Nous, on a la généralité du texte ici. D'accord? Deuxième point. Thaniyan, wa yajibu an yadnua minha li amri nabi sallallahu alayhi wa sallam bidhalika. On va voir après c'est quoi de danou, inshallah. Qu'on avait déjà vu entre parenthèses, mais c'est en guise de résumé. Donc, deuxième point, c'est qu'il est obligatoire de se rapprocher de cette sutra, car c'est quoi la raison? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a ordonné. C'est un ordre du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Troisième point. Thalithan, wa kana bayna mawdi'i sujoudihi alayhi sallallahu alayhi wa sallam wal jidar alladhi yusalli ilayhi nahwa afwan mamar ash-shah mamar shat faman fa'ala dhalika faqad ata bid-danwi al-wajibi. Donc, troisième point, c'est quoi? C'est qu'il y avait entre l'endroit où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et le mur dans la direction duquel il priait, donc c'est-à-dire qu'il y avait entre l'endroit où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se prosternait et le mur dans la direction duquel il priait, de quoi laisser passer un mouton. D'accord? C'est ce qu'on avait vu dans les cours précédents aussi. Celui qui fait cela se sera acquitté de l'obligation de se rapprocher de la sutra. Donc, on a vu qu'il est obligé de se rapprocher et maintenant on voit qu'est-ce que ça veut dire. D'accord? Je répète. Donc il y avait entre l'endroit où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et le, où se prosternait et le mur dans la direction duquel il priait, de quoi laisser passer un mouton. Mamar chat. Celui qui fait cela se sera acquitté de l'obligation de se rapprocher de la sutra. D'accord? Quatrième point, rabi'an, wa yajib an takuna sutratu murtafi'atan 'anil ardi nahwa shibrin aw shibrayn liqawli 'ali sallatu wassalam idha wada'a ahadukum bayna yadayhi mithla mu'akhirati ar-rahli falyusalli wa la yubali min wara'i dhalik. Quatrième point, il est obligatoire que quoi? Que la sutra soit surélevée par rapport au sol. Comme le shir dit ici, d'un shibr ou au shibrein, c'est-à-dire d'un empan, hein, ou deux. D'accord? En raison du hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, si l'un d'entre vous place devant lui quelque chose de la hauteur du bâton qui se trouve à l'arrière d'une selle, qu'il prie et ne prête pas attention à ce qui se passe, ou à ce qui passe plutôt, pardon, derrière cela. D'accord? Khamisan. Wa yatawajjahu ila sutrati mubasharatan, li'annahu adh-dhahir min al-amri bis-salati ila sutratin, wa amma at-tahawwulu 'anha yaminan aw yasaran, bihaythu annahu la yasmadu ilayhi samdan, falam yathbut. Donc qu'est-ce que le cheikh dit ici? Il faut se diriger vers la sutra directement, yani vers elle-même directement. Car c'est ce qui est apparent de l'ordre de prier en direction d'une sutra. Tandis que hein, s'écarter de sa direction à droite ou à gauche, sans se diriger vers elle exactement, eh bien cela n'a pas été rapporté. Il a dit, la mifbout, cela n'a pas été rapporté de manière authentique. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se diriger vers la sutra directement et pas aller vers la droite ou vers la gauche, d'accord? Sixième point. Sadisan, wa tajuzu salatu ila al-asa al-maghruzati fil ardi ou nahwiha, wa ila shajarati ou ustuwana, wa ila imra'atihi, wa imra'atihi. Moi, je dirais plutôt si imra'atin ala kulli hal, wa imra'atihi al-muttaji'ati ala al-sarir, wa hiya tahta lihafiha. وإلى الدابة ولو كانت جملا. Qu'est-ce que Cheikh nous dit ici? Il est permis, donc sixième point, il est permis de prier en direction d'un bâton planté dans le sol ou toute autre chose similaire. On avait déjà vu ça dans le cours aussi. Et vers un arbre ou un pilier et vers une femme couchée sur un lit. D'accord? Alors qu'elle est sous sa couverture. Pourquoi? Hadith Aïcha barakallahu fik, n'am. Et en direction d'une monture, même si c'est un chameau. D'accord? Ça, c'est donc le sixième point. Septième point, inshallah. Wala tajuzu salatu ila al-qubur mutlaqa, sawa'un kanat quburan lil-anbiya ou ghayrihim. Le septième point, c'est un point très très très très important. Il est interdit, dans tous les cas, de prier en direction des tombes, qu'elles soient les tombes des prophètes, alayhi salatu wassalam, ou d'autres. Je crois que c'est un point important à comprendre. Hein. Pour faire da'wah, notamment peut-être quand on retourne des fois dans nos pays d'origine, etc. Hein, faire da'wah un peu chez les proches, la famille, les voisins, etc. Ou quand on voit cette chose-là, et de peut expliquer la chose aux gens qui ne connaissent pas. D'accord? Leur citer justement ce hadith-là. Huitième point. Thaminan, وَلَا يَجُوزُ الْمُرُورُ بَيْنَ يَدِي الْمُصَلِّ إِذَا كَانَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ بَيْنَ يَدَيْهِ. Ici, il manque un ha, je ne sais pas chez vous. بَيْنَ يَدَيْهِ sutra. Oh, non, afwan. إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ sutra, c'est juste. وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْمَسَاجِدِ. فكلها سواء في عدم الجواز لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المرء بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه يعني المرور بينه وبين موضع سجوده. D'accord? Ça, je réponds déjà à une question qui avait été posée au dernier cours. On avait déjà parlé de ça. Inch'Allah, c'est un bon rappel ici, Inch'Allah. Huitième point, donc, il est interdit de passer devant un prieur, c'est-à-dire quelqu'un qui prie, s'il a devant lui une sutra. Et il n'y a pas de différence à ce sujet entre le Masjid al-Haram et les autres mosquées. Elles sont toutes identiques dans cette interdiction en raison, de, encore une fois, de la généralité de la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Si celui qui passe devant le prieur savait ce qu'il encourt, hein, il préférerait attendre 40, on avait dit que, est-ce que c'était 40 jours, 40 ans, hein, est-ce que ça n'a pas été cité, d'accord, on avait discuté déjà de ce point-là, c'est-à-dire de passer entre lui et l'endroit où il se prosterne. D'accord ? Je répète. Il est interdit de passer devant un prieur s'il a devant lui une sutra. Il n'y a pas de différence à ce sujet entre Al-Masjid al-Haram et les autres mosquées. Elles sont toutes identiques dans cette interdiction en raison de la généralité de la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est celui qui passe devant les prieurs, savait ce qu'il encourt, il préférerait attendre quoi ? 40 plutôt que de passer. Ça, c'est la fin du hadith. Puis Shir dit, c'est-à-dire de passer entre. Il parle de quoi ici ? De passer entre lui et l'endroit où il se prosterne. Hein ? C'est ce que dit Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Et Cheikh Al-Fawzan, justement, et ça c'est une question qui avait été posée dans le dernier cours, et un frère, il avait demandé, il avait dit, maintenant s'il y a un frère pris sans sutra, qu'est-ce qu'on fait, à partir de quel endroit on peut passer devant lui, hein? Et Cheikh Al-Fawzan, dans une de ses cassettes, il avait dit, yani, entre lui et l'endroit où il se prosterne, tu ne peux pas passer. D'accord ? Ça va ? Neuvième point, et c'est un des derniers points, ولا يجوز للمصلي الى سترة ان يضع احدا يمر بين يديه للحديث السابق ولا تدع احدا يمر بين يديك وقوله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس دول ما سترة يستره من الناس فاراد احد ان يجتاز بين يديه فليدفع في نحره وليدرأ ما استطاع وفي رواية فليمنعه مرتين فان ابى Neuvième point, il est interdit pour celui qui prie en direction d'une sutra de laisser passer quiconque devant lui en raison du hadith qui a précédé et qu'il ne laisse personne passer devant lui. Et sa parole, quand l'un d'entre vous prie en direction d'une chose qui le protège, yasturuhu minan nas, une sutra, qui le protège des gens, et que quelqu'un veut passer devant lui, qu'il le pousse au niveau de la gorge, et le repousse autant qu'il peut. Et dans une narration, dans une riwaya, qu'il l'empêche deux fois, et s'il refuse, qu'il résiste, car en vérité, c'est un diable, un shaitan. Dixième point, et l'avant-dernier point, المسألة العاشرة, أو عاشراً, ويجوز أن يتقدم خطوة أو أكثر ليمنع غير مكلف من المرور بين يديه كدابة أو طفل حتى يمر من ورائه. Ça c'est aussi un des points qu'on avait vu. Il lui est permis, donc dixième point, il lui est permis de s'avancer d'un pas ou plus. Pourquoi? Quand est-ce qu'on avait dit qu'il fallait s'avancer? Quand quelqu'un qui n'est pas mukallaf, on avait parlé de tamiz, l'aql, etc. Hein? Quand un enfant passe, ou un mouton ou une brebis, et on avait cité un hadith où, qu'est-ce qui s'était passé? Et le prophète, qu'est-ce qu'il avait fait? Il s'est avancé vers la sutra. D'accord? Donc je répète ici, il lui est permis de s'avancer d'un pas au plus pour empêcher quelqu'un